Donc, bonjour, mes frères et sœurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Nous allons ensemble voir le livre de l'Apocalypse. C'est un livre merveilleux. C'est un livre d'encouragement à la persévérance. Mais à travers les siècles, ce livre, au lieu de causer la joie, a causé bien souvent des différences de point de vue qui ont emmené des fois les églises à se diviser. Mais nous allons voir ensemble que souvent la différence qu'il y a entre les différents groupes ou les différentes églises ou les différentes personnes est souvent une différence de chronologie. Quand est-ce que les événements prennent place? Mais on va essayer de passer aux côtés de cela un petit peu, et pas mettre l'emphase sur la chronologie, mais sur les événements. Exemple, on peut mettre une emphase sur le retour du Seigneur, comme tel avec les saints. Mais on ne mettra pas une emphase quand est-ce dans les événements ça va arriver, mais surtout qu'il va venir. Qu'il va venir. Donc, on va essayer de regarder ça dans ce sens-là, et ça va être plus encourageant et plus édifiant, et ça va, jusqu'à certains points, je crois, garder l'unité de l'Église à ce niveau-là. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par un mot de prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie, nous sommes heureux, nous sommes contents de prendre ce temps ensemble et de regarder à ce merveilleux livre qu'on appelle l'Apocalypse, qui a été écrit au début de l'ère de l'Église. Elle a été écrite à cette Église-là, Seigneur, qui était vivante à ce moment-là, mais en même temps, je crois que tu nous adresses la parole à nous aussi. Tu voulais encourager l'Église dans ce temps-là, et je crois que le livre d'aujourd'hui encourage aussi l'Église à la persévérance encore aujourd'hui. Donc, aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ce que tu voulais dire à ton Église. Nous voulons être poussés ou être encouragés dans notre croyance, dans ta souveraineté, au-dessus de tous les événements du monde. Nous voulons t'aussi encourager, Seigneur, par le fait que tu connais la fin de ce monde, même tu connaissais la fin avant que le monde commence. Donc guide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint qui habite en chacun de nous. Amen. Laissez-moi vous partager quelque chose que dans ma vie personnelle par rapport au livre de l'Apocalypse. Il y a une vingtaine d'années, c'est pas un peu plus, hein, j'étais dans une période de ma vie chrétienne qui n'était pas facile. Il y avait eu beaucoup de difficultés de la part du monde et il y avait beaucoup de persécutions autour de moi, par les gens que je connaissais, qui réagissaient au fait que j'étais devenu un croyant. Et en même temps, il y avait des difficultés dans l'Église. Et j'étais en grande partie responsable de ces difficultés-là qu'il y avait autour de moi dans l'Église. Et toutes ces difficultés-là, dans ma vie personnelle, dans l'Église, de la part du monde autour de moi, m'avaient poussé dans cette période-là à m'interroger sur ma foi, à m'interroger sur le bien fondé de ma foi. Est-ce que je voulais continuer? Est-ce que je voulais continuer à professer la foi? Et à ce moment-là, par la grâce de Dieu, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dirigé dans ce sens-là, je me suis mis à lire le livre de l'Apocalypse. Et je m'étais donné comme défi de lire un chapitre par jour de ce livre, le méditer et d'écrire une page de 8,5-11, une feuille de cartable, et d'écrire mes pensées sur cette feuille-là. D'écrire sur cette feuille-là pourquoi je voudrais continuer, ou pourquoi je devrais continuer dans la vie chrétienne. Et j'ai fait ça pendant 22 chapitres, donc 22 jours, et j'ai écrit 22 pages de raisons que je voyais dans le livre qui me poussaient à garder la foi. Malgré les difficultés, malgré les problèmes internes que j'avais, malgré les problèmes d'église, malgré la persécution du monde, garder la foi en Jésus. Ça a marché parce que encore 20 ans, 25 ans plus tard, je suis encore en train de vous parler de cela. Et je m'étais dit, si un jour j'enseigne l'Apocalypse, je vais l'enseigner dans cette optique-là. Pas dans l'optique de débattre avec des frères ou des sœurs que j'ai raison dans ce que veut dire le 666. C'est moi qui ai raison que c'est ceci, c'est cela. Je comprends mieux que toi que l'enlèvement va avoir lieu à telle date ou à tel moment ou à telle période dans l'histoire de l'Église. C'est moi qui ai raison. Je ne crois pas que c'est le but de l'Apocalypse. Donc, on va approcher ce livre-là de cette façon-là, d'être encouragé, stimulé, d'être équipé par des vérités qu'on va apprendre, qui vont nous être utilisées par l'Esprit de Dieu qui est en nous, dans les moments qu'on va en avoir de besoin. Parce que je crois que souvent, on accumule des vérités qu'on apprend par les Écritures ou dans les Écritures, par l'Esprit de Dieu, on les apprend, on les assimile, on les met en conserve, comme dit le psalmiste, dans nos cœurs. Et quand le moment vient qu'on a besoin, l'Esprit de Dieu qui habite dans chacun de ses enfants, qui est à l'œuvre dans chacun de ses enfants, va aller chercher ces vérités-là pour nous aider à persévérer dans la foi chrétienne. Il y a différentes façons d'approcher l'Apocalypse. Je vais l'approcher d'une façon littérale et d'une façon chronologique. Je crois que les événements sont écrits d'une façon chronologique, à partir de Jean jusqu'à la fin des temps. Je crois que l'histoire dans le livre d'Apocalypse se joue et est donnée. L'auteur décrit les événements qui vont vont arriver du moment où lui reçoit la révélation jusqu'à la fin des temps. Je crois pas que chapitre 11 vient avant le chapitre 4 dans l'histoire, puis chapitre 6 va aller peut-être avant le chapitre 20, puis il y en a qui prennent l'Apocalypse, qui disent que c'est plutôt comme un cercle, ou comme un cône, comme un télescope, que les événements se rentrent un dans l'autre. Peut-être, peut-être. Mais moi, je vais le prendre de façon littérale. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas des images dans l'Apocalypse, mais je vais prendre des images avec le but qu'ils ont été donnés. Je ne vais pas y chercher un sens mystique ou un sens caché, mais je vais y trouver le sens, je vais essayer d'y trouver avec vous le sens que la Bible veut bien donner. Il est plus facile de comprendre l'Apocalypse si je connais bien l'Ancien Testament. Si mes calculs sont justes, il y a 300 références environ à l'Ancien Testament dans les livres de l'Apocalypse. L'auteur parle à des hommes et des femmes qui ont une connaissance de l'Ancien Testament. Surtout des livres apocalyptiques de l'Ancien Testament, comme exemple Daniel ou Ézéchiel. Si je ne connais pas du tout l'Ancien Testament, je vais avoir de la misère à comprendre tous ces textes qui vont parler d'encensoir, d'encens, d'arche de l'Alliance, de temple. Et on va avoir de la misère à comprendre les sacrificateurs. Parce qu'il emploie un langage qui était employé dans l'Ancien Testament. Et il va faire référence à des prophéties qui étaient écrites dans l'Ancien Testament. Donc, ceux d'entre vous qui avez une meilleure connaissance de l'Ancien Testament, il vous est plus facile de comprendre ce livre-là. Comme il est plus facile pour nous aujourd'hui de lire un livre qui parle d'informatique que si mon père prenait un livre et qu'il lisait un livre d'informatique. Mon père avait beaucoup de misère à comprendre parce que ce n'était pas dans sa génération. Nous, surfer sur le web, aller sur Facebook, on comprend ça veut dire quoi. Mon père ne comprendrait pas ce que ça veut dire. C'est la même chose pour nous. Les gens qui ont reçu l'Apocalypse connaissaient certaines choses que les lecteurs aujourd'hui, des fois, ne connaissent pas. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait dire à ces hommes-là en utilisant les prophéties et les vérités de l'Ancien Testament. Et l'auteur veut produire quelque chose chez les chrétiens qui ont reçu l'Apocalypse. Parce que, comprenez bien, l'Apocalypse a été écrit à l'Église et non pas aux inconvertis. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce que ça fait quand les inconvertis prennent l'Apocalypse et en font des films ou des livres. C'est le bordel, là. C'est le bordel, là. On dit n'importe quoi. Parce que ces gens-là n'étant pas souvent des croyants, ils ne connaissent pas ni l'Ancien Testament, souvent, ils approchent la livre de l'Apocalypse, non pas pour être encouragés dans leur foi, mais pour faire de l'argent avec. Donc, c'est souvent complètement à côté de la coche. Mais le livre a été écrit, vient de Dieu, on va voir ça ensemble ce matin, il a été donné à l'Église, pour l'Église, pour encourager l'Église à faire trois choses, selon ma compréhension. Un, à se repentir. Deux, à persévérer. Trois, à adorer le seul vrai Dieu. Donc, à persévérer dans la foi jusqu'à la fin, à se repentir, c'est drôle parce qu'on dit que les chrétiens, c'est des gens qui se sont repentis, mais on va voir qu'ils vont appeler l'Église à la repentance, pas à la repentance face au fait qu'ils ont des péchés dans leur vie, mais la repentance qu'ils prennent dans la direction qu'ils ont pris de s'éloigner de la foi, mais de se repentir, de se détourner de la foi et de garder la foi, et d'adorer le seul vrai Dieu, parce qu'ils sont en train de se détourner de cela. C'est pour ça qu'on va voir ensemble qu'il y a des Balaam, qu'il y a des Jézabel, que l'Église est morte. C'est drôle, hein, parce que l'Église reçoit ce livre-là, et c'est juste 70 ans, 60, 70 ans après la mort de Jésus. Et l'Église est dans une position qu'on pourrait qualifier de c'est pas fort. T'as abandonné ton premier amour, t'as peur de souffrir, t'as des Baléames dans ton sein, t'as des Jézabel dans ton sein, t'as des doctrines de démons dans ton sein. Tu penses être vivante, moi je te dis t'es morte, t'as peu de puissance, t'es tiède, je vais te vomir dans ma bouche. C'est à l'Église qui dit ça, il dit pas ça à des inconvertis, il dit ça à l'Église, dans le. Et on va voir pourquoi il dit ça à l'Église. Il veut que l'Église se repente de cela et garde la foi qu'ils ont reçue des apôtres. Ce matin, nous allons commencer en lisant le chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui vous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La première chose que nous allons voir, c'est le processus de la révélation. Jean n'a pas reçu cette révélation-là en lisant l'horoscope de la journée. Et il n'a pas lu ça en allant contacter une tireuse de Bonaventure qui va regarder dans sa boule de cristal ou dans les cartes. Il n'est pas allé regarder les écrits de Nostradamus. D'abord, une chose est certaine, il faut comprendre, ce n'est pas Jean qui recherchait à comprendre l'avenir, mais c'est Dieu qui a décidé de révéler à Jean l'avenir. Ce n'est pas les hommes ici qui veulent connaître l'avenir, mais c'est important de comprendre. C'est Dieu qui est venu à Jean pour lui révéler l'avenir de l'Église et du monde dans lequel l'Église vit. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente dans le livre d'Ésaïe pendant quasiment 20 chapitres. Je suis celui qui connaît la fin avant le commencement. Je suis celui qui connaît l'avenir. C'est moi qui ai fait des décrets, des arrêts. C'est moi qui ai décidé de l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'il la connaît. Le fait que Dieu connaisse l'avenir est relié très, très intimement au fait qu'il est souverain et qu'il a écrit lui-même l'histoire du monde. Donc, ayant lui-même écrit l'histoire du monde, ben, il la connaît, cette histoire-là. Il la connaît, la fin, parce que c'est lui qui l'a écrit, cette fin-là. Et ici, il veut les dire, il veut les annoncer à l'Église pour encourager l'Église, pour stimuler l'Église à la repentance, à la persévérance et à l'adoration de sa personne. Donc, Dieu, nous, dans le verset 1, c'est marqué « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, que Dieu lui a montré. » Donc, Dieu a montré à Jésus ce qui doit arriver, que Dieu lui a donné à Jésus pour qu'il puisse le révéler à ses serviteurs. Donc, Dieu, connaissant l'avenir, ayant écrit l'avenir, ayant fait les décrets de l'avenir, ayant organisé, orchestré l'avenir du monde et de l'Église, il donne cela à Jésus, pas parce que Jésus était inférieur et qu'il ne le sait pas, mais il le donne à Jésus parce que Jésus sait la parole de Dieu, comme l'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas moins grand que Dieu à cause qu'il est l'Esprit de Dieu. Mais Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, il donne, Dieu donne cette vérité-là à Jésus, qui est la parole de Dieu, et que cette parole-là va la donner Et ce qu'on voit, c'est qu'il la donne à un ange. Il dit qu'il va le faire connaître à ses serviteurs, ce qui va arriver bientôt, et il l'envoie de son ange à son serviteur Jean. Donc, il va utiliser un intermédiaire entre lui et Jean pour faire connaître à Jean les vérités qui concernent l'avenir de l'Église et du monde dans lequel il vit. Et là, ce qui arrive au verset 2, il dit, celui-ci, qui est Jean, va transmettre ce qu'il a reçu de l'ange, qu'il avait reçu de Jésus, qu'il avait reçu de son Père, les vérités qu'il a été témoin. Il dit au verset 2, j'atteste la parole de Dieu, qui est Jésus, le témoignage de Jésus-Christ, qui lui a rendu témoignage à son ange, qui l'a rendu à Jésus, à Jean. Jean va transmettre ça à l'Église. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu pendant cette période-là, qui était sur l'île de Patmos. Il était là. Il y a eu des révélations de la part d'un ange qu'il avait reçu de Jésus, qu'il avait reçu de Dieu. Donc, ce n'est pas des humains qui essaient de découvrir l'avenir du monde en parlant avec d'autres humains. Mais c'est Dieu qui intervient et qui révèle à ses enfants l'avenir afin de les encourager, les édifier, les pousser à la persévérance, à la repentance et à l'adoration du seul vrai Dieu. Et l'effet escompté, il dit au verset 3, heureux. Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, heureux. Et le mot heureux, c'est pas le mot celui qui rit comme un fou, c'est pas le sourire se lève, c'est le synonyme d'être béni. C'est le contraire de malheur qu'on va voir plus loin. Malheur à ceux qui n'ont pas lu, gardé les paroles de la prophétie. Malheur veut dire destruction. Malheur veut dire châtiment. Malheur veut dire jugement dans le feu éternel. Heureux veut dire présence de Dieu, bénédiction de Dieu, résurrection, présence de Dieu, nouveau ciel, nouvelle terre. C'est ça que ça veut dire ici, heureux. Heureux celui qui entend, qui lit, qui entend et qui garde les paroles de ce livre. Donc, le but, c'est de rendre ces personnes-là heureuses. Ceux qui vont les recevoir, qui vont décider de lire ces vérités-là qui viennent de Dieu, qui vont décider de les écouter, de les entendre et de les garder dans leur cœur. À qui est-ce que Jean va écrire? Aux sept églises qui sont en Asie. Et le but qui espère que ça va produire dans la vie de ces gens-là, c'est la grâce et la paix. La grâce et la paix. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant le trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. De la part de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. De la part de Jésus-Christ qui est le prince des rois de la terre. De la part de celui qui nous aime et qui nous a pardonné ou délivré de nos péchés. De la part, au verset 6, de celui qui a fait de nous un sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il dit, j'aimerais que Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu souverain, le Dieu sauveur, le Dieu maître, le Dieu seigneur de la terre et des cieux, vous donne la paix et la grâce. Donc j'aimerais que ce livre, ces révélations produisent en vous l'adoration, la persévérance, la paix, la grâce, jusqu'à la fin des temps. Et il dit au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Mais ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne gardent pas les prophéties de ce livre, les enseignements de ce livre, ils vont le voir. Ils vont le voir. Et eux autres, ça ne va pas causer le bonheur, la paix, la grâce. Ça va causer les lamentations. Il dit, et toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Oui, amen! Tous ces gens-là qui vont refuser les paroles de ce livre, ou tous ceux qui sont dans l'Église et qui vont refuser les paroles de ce livre, qui ne vont pas se repentir, ils vont, avec les nations du monde, se lamenter à la venue du Fils de Dieu. Quand il va venir sur ses nuées, tout œil le verra. Pour certains, ça va être la joie, la paix, le bonheur, la grâce, ça va être l'adoration. Pour d'autres, ça va être les lamentations. Ça va être les lamentations. C'est pour ça qu'on va voir au chapitre 6, si je me souviens bien. Les nations du monde vont dire, « Tombez sur nous, montagnes et rochers, cache-nous de la colère de l'agneau, car elle est grande. » C'est important qu'on saisisse ça. Donc, ceux qui vont lire ce livre ont deux choix. Ils l'acceptent et sont heureux sous la grâce de Dieu. Ils sont en paix. Ils sont dans l'adoration devant le Dieu du ciel et de la terre, ou ils le rejettent et ils vont subir des lamentations et la destruction et le jugement. Au verset 8, c'est marqué « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, c'est moi, dit-il, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, c'est moi le Seigneur du monde, c'est moi celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, c'est moi qui existe de toute éternité. C'est moi le Tout-Puissant qui a créé le monde dans lequel vous vivez. Donc, c'est moi qui contrôle sur la création du monde et sur la destruction du monde. C'est moi qui a un contrôle suprême sur ma création. C'est pas les hommes et les femmes de ce monde qui contrôlent le monde, même s'ils aimeraient bien le laisser penser. Et ce n'est pas les hommes et les femmes de ce monde qui vont détruire ce monde. Le livre ici va nous démontrer que c'est Dieu, par sa toute-puissance, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il va amener une fin à ce monde, comme nous le voyons aujourd'hui. Ce monde, comme nous le voyons aujourd'hui, va arrêter d'exister à un moment donné ou à un autre. Pas parce qu'on a pollué la planète, pas parce qu'on va avoir fait sauter des bombes dessus, pas parce qu'on va avoir trouvé le moyen de fuir la planète Terre qui est trop polluée pour aller vivre sur la planète Mars. Ça n'a rien à voir. Ça. Dieu va amener une fin à ce monde tel qu'on le connaît. Il va amener aussi une fin au péché, à un monde rempli de péché, pour en faire un meilleur, où est-ce que son peuple va pouvoir vivre dans ce nouveau ciel, nouvelle terre, pour se joindre à l'armée des cieux, pour servir et adorer Dieu pour l'éternité. Nous allons continuer à lire et nous allons voir le restant du chapitre et on va voir ce Jésus qui vient parler à Jean. Lisons à partir du verset 9, si vous voulez bien. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Laodicée. Je me tournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il y avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Donc, ce qu'on peut voir au verset 9, Jean est sur l'île de Patmos. Il est en prison, là. Il est là à cause, non pas qu'il a volé une banque, mais il dit à cause de la parole de Jésus et du témoignage de Jésus. Donc, je suis là parce que je subis, au verset 9, au début, la tribulation. Je subis le rejet de ce monde parce que, à cause de la parole de Jésus, à cause du témoignage que j'ai rendu à Jésus. Et j'ai continué, j'ai persévéré. Donc, je suis quelqu'un qui est persécuté parce qu'il persévère dans la vérité, qui persévère dans la parole de Jésus, qui persévère dans le témoignage rendu à Jésus. Et pendant que je suis là, dans cette île-là, que je suis en prison là, j'ai une vision. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Bon, c'est pas tout le monde qui le voit de la même façon. Il y en a qui disent c'était le jour du Seigneur, dans le sens que c'était un dimanche. Donc, ils disent, j'étais ravi au jour du Seigneur. Ça veut dire, j'étais comme emmené à comprendre la fin des temps, le jour du Seigneur. Je crois que c'est plus cela. Jean est comme transporté dans le temps pour voir la fin du monde, pour voir l'histoire du monde jusqu'à sa fin, si je peux dire de même. Mais c'est ce bien, c'est pas dans sa tête, c'est pas son imagination, c'est pas ses rêves, ses désirs, c'est pas parce que tout d'un coup il aurait envie de changer de situation, il aimerait en tant que chrétien que Dieu le délivre de cette prison-là, de ce malheur-là. Non, non, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi et qui veut lui montrer l'avenir. Et là, à ce moment-là, à un moment qu'il est saisi par cette vérité-là, par le Saint-Esprit, il entend une voix forte. Une voix forte, comme le son d'une trompette. Et cette voix-là lui dit, écris dans un livre ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que je vais te dire, écris-le dans un livre pour le transmettre aux sept églises. Et ces sept églises-là, c'est sept églises qui existaient au temps de Jean. Il y en a qui disent que c'est sept périodes de l'Église, ça représente des églises. Non, non, ça représente l'Église. Ces sept églises-là représentent l'Église au temps de Jean qui était en Asie. Donc, je vous encourage à ne pas vouloir prendre ces églises-là pour en faire des périodes dans l'histoire. Mais ça représente, selon ma compréhension, l'Église. Et quand je regarde l'Église aujourd'hui, au Québec, au Canada, aux États-Unis, elle est représentée par cette Église-là. L'Église aujourd'hui vit ce que ces sept églises-là vivaient et elle a besoin de recevoir ce que Jean a vu puis entendu de la part de Jésus-Christ. Toutes les églises de tous les temps ont eu besoin de lire ce livre-là afin de persévérer dans la foi, afin d'avoir part à la persévérance en Jésus. On va les revoir un peu plus loin, ces sept églises-là. Pourquoi est-ce que Jésus ou Dieu ont décidé à ce moment-là, dans l'histoire, d'écrire ce livre-là de l'Apocalypse à ces sept églises-là? Qu'est-ce qu'ils vivaient, eux, pour qu'ils aient besoin d'avoir ce livre-là? Et je crois que pour qu'on le comprenne comme Dieu avait l'intention qu'on le comprenne, il faut comprendre leur situation et de dire, à cause qu'ils vivaient cela, Dieu leur a envoyé ce livre-là. Et moi, quand je vis les mêmes choses qu'eux autres, j'ai besoin des mêmes vérités qu'eux autres. Souvent, on a mal interprété parce qu'on essaie d'appliquer l'Apocalypse à l'Église sans tenir compte du contexte de ce que l'Église vivait à ce moment-là. Et on va voir ce contexte-là quand on va lire les sept églises, ce que les anges vont dire aux sept églises. Mais ce que j'aimerais ce matin qu'on comprenne bien, c'est, regardez bien, qu'est-ce que Jean voit? Il voit l'apparition d'un être. Et cet être-là, c'est pas une vision d'un petit un berger avec des beaux grands cheveux bruns, les yeux bleus, avec une belle canne, avec un petit mouton sur le dos, ou assis dans un paysage champêtre, ou avec quelques petites brebis avec un ruisseau. C'est pas cette image-là qu'il donne. Il ne vient pas à Jean avec un sourire, il ne vient pas à Jean avec des bras consolateurs, puis le prendre, pauvre Jean, c'est donc malheureux que tu es persécuté, c'est donc malheureux que tu sois en prison, oh, pauvre de toi. Non, non, non, non, non. L'apparition et le bruit qui entend cela alentour, cette voix de trompette qui est forte, au verset 12, il se tourne. Et il regarde d'où vient cette voix-là, d'où vient cette voix de trompette-là. Et il se tourne et il voit un être qui est semblable à un fils de l'homme. Et l'apparition, et moi je vous encourage à ne pas regarder les petits détails de l'apparition premièrement, mais de regarder la vision. J'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas à ma connaissance, j'ai jamais vu une image qui a été dessiné ou peint par un artiste de cette vision-là de Jean. On voit Jésus sur la croix, on voit Jésus qui est sorti du tombeau, dans certaines images, on voit Jésus en tant que berger, en tant qu'enfant, on le voit qui monte sur les nuages, on le voit, mais personne n'a jamais dessiné ce Jésus-là. Mais quand Jean entend la voix, il se tourne et il regarde l'image. Sa réaction nous dit beaucoup. Il tombe à terre, au verset 17. « Je tombais à ses pieds comme mort. » C'est ça la réaction. Il n'est pas dit, oh, que je me sens bien dans la présence de Jésus. Oh, qu'il a de l'air doux et gentil. Oh, qu'il est donc, oh, c'est donc paisible. Non, il tombe à ses pieds comme mort. Tellement la vision est terrifiante. Cette voix de tonnerre, de trompette. Et là, il voit un homme qui a des chandeliers, sept chandeliers autour de lui, qu'on a vu tout à l'heure, qui a dit, les sept chandeliers représentent les sept églises, et Jésus est au milieu de ces sept églises-là, à qui il veut parler, à qui il veut s'adresser. Il se présente à l'église dans cette vision-là de quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, qui a une grande robe blanche, qui a une ceinture d'or sur sa poitrine, qui a une face qui resplendit, le soleil, des cheveux qui sont très, très blancs, des yeux qui sont comme une flamme de feu, une épée à deux tranchants qui sort de sa bouche. Ses pieds sont comme des colonnes d'airain chauffées, rouges ou à blanc, comme on dit des fois. C'est une vision terrifiante. Et dans sa main, il y a sept étoiles qui nous a dit que les sept étoiles représentent les sept anges qu'il va envoyer parler ou à lesquels il va s'adresser, les messagers à l'Église. Ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est cette vision-là. Et à chaque Église qu'il va parler, à partir du chapitre 2 et le chapitre 3, à chaque Église qu'il va parler, il va faire référence à une partie de cette vision-là. Il va dire, celui à qui vous parle, c'est celui qui a l'épée à deux tranchants qui sort de sa bouche. Une autre fois, il va dire, celui qui vous parle, c'est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il va s'adresser, il se présente à l'église existante, des sept églises-là. Il se présente là, sous cette forme-là. Dans cette apparition-là, il veut que l'Église puisse voir ce Jésus-là. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est présenté avec cette apparence-là. Une apparence qui fait tomber Jean comme mort à terre. Et je vous dis que là, il dit que Jean, il prend sa main droite et il me touche. Il prend sa main droite et il me touche. Et il me dit quoi? Ne crains point. Parce que Jean, la vision l'avait terrifié, l'avait donné peur. Mais dis-toi, ne crains point. Donc, l'Église qui va recevoir l'Apocalypse, Jésus veut causer la peur, puis en même temps, il va dire à certaines personnes, avec sa main droite, si je peux le dire ainsi, ne crains point, toi. Il va le dire tout au long. T'es mieux d'avoir peur et te repentir. Mais si tu gardes la foi, ne crains point. Mais si tu abandonnes la foi, t'es mieux d'avoir peur. Celui qui a une épée à deux tranchants va venir, puis il va te couper en morceaux. Traduction François. Mais il dit, si tu gardes la foi, si tu persévères, ne crains point. Donc, ça nous dit beaucoup sur la situation de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de se présenter comme cela à l'Église? C'est parce que l'Église vivait quelque chose à ce moment-là, qu'elle vit encore. Aujourd'hui, je parle de l'Église large, l'Église qui se présente aujourd'hui comme étant l'Église de Jésus-Christ. Et se présente comme cela. Et on va voir pourquoi la prochaine fois. Que le Seigneur nous donne de bien lire Apocalypse dans cette pensée-là. Je veux produire en vous la persévérance, la repentance, l'adoration. Je veux produire en vous la paix, la grâce. Je veux que vous gardiez la foi que vous avez reçue. Parce que si vous ne gardez pas la foi que vous avez reçue de la part des apôtres, vous allez être détruit avec le monde que je veux détruire. Ça, c'est le résumé de ce livre-là. Notre bon Père du ciel, merci, merci, merci que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance en ce qui concerne l'avenir de l'Église. Tu vas nous parler, tu vas nous montrer qu'est-ce que toi tu as décrété, qu'est-ce que toi tu as décidé, qu'est-ce que toi tu as planifié pour le monde qui t'a rejeté et pour l'Église qui t'a accepté et gardé jusqu'à la fin. Certains vont se réjouir. Certains n'ont pas à craindre. D'autres vont se lamenter et vont être terrifiés à la venue du Fils de l'homme. Que la gloire te soit donnée aujourd'hui dans l'Église et pour toujours. Amen.